Calitre et Sapi, par Léon Lafage. À peine Calitre fut-il venu sur le seuil, que Lapi, du haut de son nid pareil, à la cime du peuplier mort, à une fourche buissonneuse, se prit à considérer le bonhomme tantôt d'un œil, tantôt de l'autre, goguenard et bigarré, le bec tendu. Cependant elle jacassait, n'étant point de celles qui font tort à la voisine de leur moindre pensée. Son œil rond inscrivait la maisonnette avec sa fumée, le puits avec sa manivelle, le bonhomme avec sa queue de rat. Elle n'ignorait rien de la vie des vergers et des basses-cours, rien des primeurs ni des pontes. Si la poule crételait sur l'échelle de la volière, ce chant montait vers l'agace en notes dorées comme des poussins. La nuit même, quand la lune a l'air d'une oreille aux écoutes penchées sur le village, la pie restait au guet. « Une espionne !» disait Calitre. Mais ce soir, il portait vers le sol son nez maigre comme une clé et ses yeux en grains de mil. Il songeait à Sandrine. La pie, alors, descendit de branche en branche, sautant, virant, hochant la queue, et vint à une toise du paysan ouvrir son bec échancré comme s'il eût voulu engloutir une cerise. Ce fut en réalité pour jeter un cri haïssable et aigre d'enseigne rouillée. Calitre leva la tête, un juron ondant, et la pie remonta, les ailes battantes, criant d'effroi jusqu'à son nid, où elle recouvra ses mines de narquoiserie et sa voix de commérage. Il en était ainsi chaque jour depuis 5 ans. Calitre ne pouvait risquer un pas hors du logis sans que l'oiseau y trouvât à redire. Et le bonhomme, d'un coup de carabine, eût bien supprimé la raisonneuse. Mais, comme il fabriquait souvent, avec du fin charbon, de la chênevotte, du salpêtre bien sec et de la fleur de soufre, de la poudre pour les carriers des environs, il ne jugeait point inutile qu'un croassement de la vigie signalât, dès qu'il surgissait, l'approche et le risque. Puis, à force de querelles et d'humeur, cette agace lui était devenue chère. Un tel sentiment se retrouve, dit-on, dans les vieux ménages. Pourtant, Calitre depuis longtemps négligeait la poudre et la pie. Il donnait toutes ses pensées de vieux garçon à Sandrine, qui était venue se retirer au village après avoir servi à l'évêché. Elle possédait main secret de bonne cuisine. Ses 43 ans rebondis et roses encore avaient bonne grâce sous le bonnet ruché. Veuve, ses économies ajoutaient au charme du veuvage. Calitre, qui était un gagne-denier, au printemps lui taillait ses arbres. Ce jour-là, il déjeunait en tête à tête. Et comme, malgré sa verdeur gaillarde, Calitre sentait l'âge venir, le vieil âge, dont les sabots heurtent les pierres et qui pèse en toussant sur un bâton, il aurait bien voulu que Sandrine le prît pour mari. « Je promets, disait-il, 5 ans de bon service. » Mais la femme, railleuse, le regardait de côté, à la manière de la pie. S'il avait néanmoins apporté quelques écus, elle l'aurait contenté de bon cœur. Mais Calitre, paresseux comme une chenille et pauvre comme un rat, se sentait trop vieux maintenant pour changer d'humeur et de fortune. C'est pourquoi il s'attristait. Dans sa maisonnette en torchis, qui montrait sous la glaise crevée sa carcasse de branchages et de paille, parmi les assiettes de terre rouge et les cuillères d'étain, il allait et venait, de l'âtre à la porte. Le vent d'hiver polissait le ciel, faisait un sifflet de chaque branche. Par bonheur, Calitre conservait encore de vieux vins. La bouteille est le livre des ignorants. Elle enclôt les plus beaux contes. Il donna de la pelle sur les tisons, et devant les étincelles irritées, consulta la bouteille. Elle lui parla de Sandrine. Alors, pour chasser la chaleur du vin et le feu des rêves, il voulut sortir. L'agace criaillait comme une vieille. Cette bête, à la fin, l'exaspérait, qui n'était jamais contente. Longtemps, il l'avait défendue contre la colère des voisins, quand elle enlevait des poussins pareils à des houppettes souffrées, pillait les jardins glorieux de fruits, labourait, malgré l'escrime des épouvantails et le caquet des moulins à vent, les carreaux ameublis que percent tendrement en avril des flèches et des crosses. Puis, en temps, le peuplier du seuil, monté en fusée verte parmi le ciel, claquait dans les vents ou les grêles, exerçait sur les nuages ou l'azur sa pointe vive. Il était comme une haute voile près de la maison accroupie. L'automne l'allumait comme une torche. Il versait une lumière seigneuriale sur les arpents ingrats. toute cette côte ne vivait que pour lui. Il en était la beauté et l'espérance. Maintenant, il était mort. Seule l'agace y mettait son grincement de girouette. Mais nu, avec son bruit sec, en juin, comme en décembre, il restait macabre, laid. Or le bois était cher, l'agace importune. « Je ferai les tisons, » dit Calitre, « et l'agace ira loger ailleurs. » Il prit sa hache, qui était de bel acier bleu, comme le ciel. L'oiseau fit entendre qu'il ne trouvait point le geste de son goût. Le bonhomme n'en eut cure. Est-ce que Sandrine avait pitié de lui? Le premier coup de hache fit retentir le tronc et vibrer la fine nervure des branches. L'agace cria. Un second coup entama le bois. L'oiseau injuriait le vieux. Calitre, qui avait bu, s'échauffait, peste d'agace. Cet arbre n'était-il point à lui? En manquait-il d'autre dans le val? Et la hache entaillait le bois mort, jaune et blanc sous l'écorce rose. Soudain, un bruit métallique s'entendit. « Plaît-il ? » fit Calitre en soufflant. Il regarda autour de soi et ne vit rien. « C'est lâche. » Il reprit sa besogne, et le même bruit clair anima les pierres. Calitre examina le fil courbe de son outil, la douille qui serrait le fût de chêne, puis, rassuré, voulant abattre l'arbre avant la nuit, il redoubla d'efforts. Mais voici que l'humble clou tinta comme une pendule magique. Une pluie sonore enchantait la terre et le roc. Stupéfait, Calitre arrêta sa cognée au vol et leva le nez. L'agace, affolée, voltait là-haut, s'égosillait. Puis un rayon jaune brilla, glissa entre les branches et se brisa sur le sol en tintant. Calitre se rappela des contes de veillées pleins de génies et de diables, et dans le mystère de l'heure, il frissonna. Cependant, l'angélus sanctifiait l'air, et l'homme, en se signant, bénit du fond de l'âme le vieux minot qui, là-bas, tirait la corde dans l'église bleue. Le vent ne cessait pas. L'arbre dans la houle eut encore un grand frémissement qui finit par un son comme une parole est au bout d'une pensée. Alors, le bonhomme abaissa la tête. Le sol était criblé de pièces d'or. Il se mit à genoux et, une à une, recueillit les pièces. Il les soupesait, les faisait teinter, admirait dans le soir avare l'éclat souverain des effigies et il répétait « Ah, ça par exemple, ça c'est fameux !» Et puis c'est vrai, ajouta-t-il quand il eut son béret à demi-plein. « C'est vrai, car ça pèse !» Il y avait des profils de rois qu'il ne connaissait pas. Brusquement, une cuillère d'étain frappa ses regards. Voilà 2 ans qu'il ne l'avait plus. La pile la lui avait dérobée. Il devinait tout maintenant. Et il hésitait entre la colère et la joie. Ce qu'il comprenait aussi, c'est que, près de sa misère à lui, de ses malheurs paysans et amoureux, cette pie avait vécu sur de l'or. Elle avait eu cette part heureuse de ceux qui, dans le secret, possèdent un trésor ou de beaux souvenirs. Cela, pourtant, n'en avait fait qu'une bête insensible et sèche, bonne, avec son cri funèbre et son plumage de deuil, à railler la peine et à tuer le courage. Il sentait ces choses confusément, Calitre. Les pensées étaient dans son cerveau comme les objets dans sa maisonnette obscure, où l'œil ne les prenait jamais tout entier. Un claquement de soc, qui montait du sentier, le sauva de ses réflexions. C'était le premier vendredi du mois. Sandrine allait à la bénédiction. Sa coiffe blanche, au-dessus des buis, mit comme une aube douce. « Salut, Sandrine, entre un moment !» cria Calitre, qui retrouvait sa claire raison. « Entre, j'ai à te parler. Bagatelle !» fit la petite voix douillette. « Nenni, foi de Calitre, arrête-toi sans regret !» La lune couvrait d'un filet merveilleux la pauvre maison. Rajeuni par le bonheur et le désir, Calitre était beau devant le seuil. Sandrine, un regard jeté à l'environ, entra. La porte se referma comme un piège, et là-haut, au bord de son nid percé comme une nasse, noir sur le disque roux de la lune, la pie, de la griffe et du bec, avait l'air de défendre un dernier écu d'or. C'était Calitre et sa pie par Léon Lafage.